cette force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne sois pas surpris de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie pendant cette semaine de jeûne et de prière, parce que l'Éternel a décidé de manifester sa gloire dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même si tu prends au sérieux ce moment de prière et de jeûne. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Oui, surtout ne laissez pas la place aux palabres. Est-ce que tu comprends? Le diable a peur parce qu'il sait que quand vous priez dans l'unité, Dieu va accomplir de grandes choses. Nous sommes dans notre semaine spéciale de jeûne et de prière OSP Jéricho. Aujourd'hui, notre thème, c'est briser les lois et les décrets sataniques. Première partie. Et le texte de base, c'est Daniel 3, 8 à 30. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Nous allons donc lire notre texte de base, Daniel chapitre 3, versets 8 à 30. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés Shadrach, Meshach et Abel-Nego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abel-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, puisqu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abel-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, dit, « Shadrach, Meshach et Abel-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » et Shadrach, Meshach, Abednego sortir du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia! Briser les lois et décrets sataniques. Nous appelons ici décrets sataniques ou les lois toutes les lois ou décisions prises dans nos familles, dans nos milieux sociaux professionnels, dans notre société, dans le but de nuire au peuple de Dieu et de l'amener à désobéir à la parole de Dieu et le pousser à compromettre sa foi en Christ. Ce sont des lois-là que nous appelons les lois, les décrets sataniques. La Bible nous montre que les chrétiens est le sel de la terre, la lumière du monde. Et en tant que sel et lumière du monde, nous devons vivre comme des témoins de Jésus partout où nous sommes, dans la famille, au travail, dans l'église, dans les quartiers, partout. Mais regardez ici ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient à Babylone. Ils vivaient dans un endroit, un environnement hostile. Et il y a un décret qui fut signé par le roi Nebuchadnezzar, selon lequel tout le monde devrait adorer la statue et que celui qui ne devait pas se prosterner devant la statue serait jeté dans la fournaise ardente. C'est un décret satanique qui avait pour but de compromettre la foi des trois amis de Daniel qui étaient des juifs, qui étaient des monothéistes, qui n'adoraient que Yahvé. La parole de Dieu, la loi de Dieu interdit l'adoration des idoles. C'est l'idolâtrie, vous voyez? Vous allez trouver ça dans Exode 20. 3 à 6. Lorsque nous lisons ces passages, nous pouvons dégager certaines vérités. La première vérité, c'est que le diable peut inciter nos autorités politiques, administratives, civiles à prendre des décisions qui visent à nuire la foi ou la vie des enfants de Dieu. Certaines lois sont formelles, d'autres c'est informel. Il s'agit par exemple de l'appartenance à un mouvement mystique, l'adhésion à un courant idéologique, l'acceptation des liaisons amoureuses prohibées par la Bible, la corruption comme condition de nomination à un poste de responsabilité. Ce sont des décrets sataniques que tu dois briser. Peut-être que toi, tu en souffres. Dans plusieurs familles africaines pratiquant des religions traditionnelles, plusieurs traditions s'érigent en loi auxquelles tous les membres de la famille doivent se soumettre. Par exemple, offrir des libations et des sacrifices aux ancêtres pour obtenir une bénédiction quelconque ou jouir de leur protection. Célébrer les fêtes des générations, participer aux rites initiatiques sacrés, invoquer les esprits des défunts, pratiquer les rituels de purification de la veuve auprès d'une rivière pour ôter toute malédiction, participer au repas sacré et j'en passe. Un chrétien ne devrait plus se soumettre à de telles lois car il marche selon la loi de Dieu. La deuxième vérité que nous pouvons relever dans ce passage, c'est que le diable et ses serviteurs utilisent trois grandes armes ou stratégies pour pousser les chrétiens à la compromission. Il s'agit de l'accusation, de l'intimidation et de la persécution. Commençons d'abord par l'accusation. Le verset 8 dit « À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » L'un des noms de Satan, c'est quoi? L'accusateur des frères. Il cherche à nous accuser lorsque nous violons ses lois et ses décrets et même lorsque nous violons les lois divines. Donc, c'est pourquoi avant de faire arrêter Jésus, les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Et même Paul, dans son ministère, il a souffert des accusations. Mais nous devons savoir que Jésus-Christ est notre avocat. Peut-être que toi qui me suis, tu es victime sur le plan professionnel des lois, des décrets sataniques qui ont été initiés tout simplement pour t'écarter de ton poste. Mais il y a un avocat, c'est Jésus. Il y a des gens qui ont comploté pour t'accuser injustement. L'autre arme, c'est l'intimidation. Le verset montre ici la menace du roi Nebuchadnezzar qui obligea les trois amis de Daniel à se prosterner et adorer la statue sous peine d'être jetés dans la fournaise ardente. Il leur a dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui nous vous délivrera de ma main? Vous voyez, ça c'est la menace. C'est l'intimidation. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui t'intimide. Il y a un mystique qui t'intimide. Il y a un monsieur qui t'intimide. Il dit, si tu ne l'épouses pas, il va te faire du mal. Il y a même quelqu'un qui a dit que voilà, si tu n'épouses pas cette dame, si tu n'épouses pas cet homme-là, voilà, un malheur va t'arriver. Il y a même des gens qui disent, des faux prophètes, qui disent, si tu quittes mon église, il y a un malheur, un accident qui va t'arriver. C'est une des armes de l'ennemi, t'intimider. Dans le livre d'Esdras, chapitre 4, verset 4, il est dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Même lorsque tu veux réaliser un grand projet, le diable peut utiliser l'intimidation pour que tu arrêtes ton projet. Mais les trois amis de Daniel, ils ont répondu en disant, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Face à l'intimidation, nous devons avoir la fermeté dans la foi. L'autre âme, c'est la persécution. Les trois amis de Daniel furent jetés dans la fournaise ardente car ils ont refusé d'obéir à ces décrets sataniques. Lorsque nous sommes persécutés pour la cause de Christ, sachons que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Je veux dire à quelqu'un, tu vis des moments de persécution dans ta famille, dans ton travail, mais Jésus est avec toi. Remarquez ce qui s'est passé. On a jeté trois hommes avec des liens. Mais lorsque le roi a regardé, il a vu, il y avait quatre hommes sans lien qui marchait. Et il dit, la figure de la quatrième personne ressemble à celle des fils de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui était là. Il est là avec toi. Je vais dire à quelqu'un, si tu marches avec Jésus, quelle que soit la souffrance, la persécution, tu vas sortir grandi de cette épreuve. Les grandes bénédictions sont souvent précédées de grandes épreuves. Vous voyez, ils sont sortis. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux parce que Jésus était avec eux. Leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Mais c'est au contraire, les gens qui les ont jetés et même qui sont morts, il y a eu ce qu'on appelle renversement de la situation. Tu vois ce que Dieu peut faire? Il pouvait dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dit, prie à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, 2 à 4. Et sachons enfin que lorsque nous refusons d'obéir aux décrets sataniques, pour obéir à Dieu, il va nous élever. Les trois amis de Daniel furent élevés. Le roi Nebuchadnezzar a signé un autre décret pour reconnaître que c'est lui l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Et il a dit que tout le monde ait la crainte vis-à-vis du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et au verset 30, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Hallelujah! Il est un Dieu merveilleux. Il mérite la gloire. Nous allons chanter pour lui ces cantiques. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité.

Nous t'élevons, Seigneur, Maître. Oui, Seigneur, dans tous nos projets. Et que l'ennemi fléchisse totalement au nom de Jésus. Parce que tu es Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre semaine spéciale de jeûne et de prière spéciale Jéricho 2016. Le thème de ce jour, c'est briser les lois et les décrets sataniques. Daniel 3, 8 à 30. Nous allons prier pour annuler tous les décrets sataniques et les accusations faites dans nos milieux sociaux professionnels pour nuire ou écarter les enfants de Dieu de leur poste. Priez de manière particulière pour annuler les décrets pris dans le monde spirituel par les sorciers, les mystiques, contre nos vies. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous sommes venus ce matin élever ton nom. Toi qui es l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ce matin, ô Père éternel, nous prions contre les décrets sataniques, contre les invocations sataniques dirigées en direction de tes fils et de tes filles dans les milieux sociaux professionnels. Nous prions contre les décrets sataniques. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme d'incantation, toute parole négative, toute parole de malédiction prononcée contre tes fils et tes filles est anéanti au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par le Saint-Esprit, nous renversons les forteresses, nous renversons toute parole déclarée sous forme de limitation dans la vie de tes enfants. Nous déclarons que ces paroles sont nulles et de nul effet dans le nom de Jésus. Toute invocation au niveau des marabouts, toute invocation faite par les féticheurs, par les devins contre les enfants de Dieu sont annulées au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons leur sécurisation, nous proclamons leur protection et nous déclarons qu'aucune parole négative, qu'aucune parole maléfique ne peut prévaloir dans la vie des enfants de Dieu parce que ta parole déclare à la mention du nom de Jésus-Christ tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est au nom de ton fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour annuler les décrets sataniques pris dans nos familles, l'adoration des idoles, des masques, des sacrifices ancestraux, les initiations des jeunes garçons, des jeunes filles à la sorcellerie. Priez pour annuler les effets de ces décrets sur nos vies, au nom de Jésus. Bénissons ton nom ce matin, parce que toi, tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges. Tu dis et la chose arrive. et tu nous as choisis, tu nous as établis, notre Dieu, notre Père. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre le pouvoir des autorités maléfiques, des dominations ténébreuses, pouvoir des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous nous levons ce matin contre les décrets qui ont été signés contre nos bien-aimés frères et sœurs pour ne pas qu'ils progressent, pour ne pas qu'ils se marient, pour ne pas qu'ils aient des promotions. Nous brisons ce matin, nous annulons ce matin, nous proclamons leur défaite ce matin, que le feu du Saint-Esprit, alléluia, que les braises du Saint-Esprit consument maintenant et que les enfants de Dieu soient libérés, soient franchis, soient mis au large pour servir Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour se marier, pour travailler, pour faire des enfants à la gloire et pour la gloire de Dieu. Merci ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos chefs, nos directeurs, nos ministres, nos gouvernements, nos gouverneurs, tous ceux qui prennent des décisions. Prions pour que Dieu incline leur cœur à prendre des décisions qui vont dans le sens du bien de la population et que l'ennemi ne les utilise pas pour prendre des lois qui vont à l'encontre des lois divines. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu le ressuscité, l'alpha et l'oméga. Ce matin, je voudrais te dire merci parce que c'est toi qui établis les hommes. Je prie que toutes ces personnes que tu as élevées en dignité, tu leur accordes la sagesse. Tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, de se focaliser pour le bien-être du peuple. Père, merci, parce que tu leur donnes aussi, Seigneur notre Dieu, la vision pour que le peuple soit heureux, le peuple soit dans la joie, le peuple travaille de mieux en mieux, soit en paix. Mais voilà que, dans certains cas, beaucoup de nos directeurs, beaucoup de nos patrons et chefs, Seigneur, prennent des décisions à l'encontre de Dieu. Comme le cas de Daniel. Oui, le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue d'or et tous étaient invités à se prosterner. Mais Daniel, résolu de ne point se prosterner, il disait, je préfère obéir à mon Dieu qu'aux idoles. Et cela lui a donné d'avoir une sentence de mort. Père, tu l'as délivré, car quiconque espère en toi, quiconque croit en toi, il est pour toi, oui, un fils bien-aimé, et tu ne l'abandonnes jamais. Merci de nous aider, Seigneur notre Dieu, à prier, à être ferme dans la foi, à croire en toi, car il y a des grandes délivrances, des grands projets, des grandes choses que tu as prévues pour nous. Merci, Père, parce que nos dirigeants sont soumis par l'Esprit de Dieu, et tu nous donnes de marcher dans la quiétude, dans nos pays, dans nos sociétés, partout où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous donner des références supplémentaires à lire. C'est 1 Jean chapitre 2, 1 à 2, Apocalypse 12, verset 11, Ésaïe 54, 14 à 17, Psaume 23, 4 à 6. Que Dieu vous bénisse. Notre grande rencontre, c'est pour ce samedi à l'église centrale Assemblée de Dieu d'Adjamé.